Et vous. Excellente idée! Voyons tout de suite comment organiser notre fête. Podulard et Capoulos approuvent avec enthousiasme. Des avions s'envolent en dessinant dans le ciel avec de la fumée blanche. Fête de céleste ville, le roi Babar vous invite. C'est le 1er avril 2011, il est 21h12 et c'est nuisance. Les hippopotames sortent le nez de l'eau, les singes se réjouissent, les girafes tendent leur long cou, le petit lion pense qu'il va bien s'amuser. Ramature, le rhinocéros, exil au fond le singe, arrive en premier au bureau des inspections. Il écrit « Singe envoyé de Xylophile. Rhinocéros envoyé responsable de Monsieur Ramadou. » De la trace d'arrivée, non pas principale est faite pour les grands animaux, disent-ils. Pomme et Alexandre imitent les kangourous, mais ils sont bien pour entrer par les fenêtres. Babar poursuit sa visite dans le pavillon des rhinocéros. Flore retrouve avec joie chez les oiseaux son ami le petit canard vert. Troisième fois qu'il rend visite. l'Italie pour de tard. Flore et Alexandre emmènent leur ami le petit canard vert devant les pavillons des girafes et des dromadaires. Puis arrive devant celui des lions. Alexandre, c'est vraiment ça que je préfère. Flore dit en regardant le petit canard. Moi, j'aime mieux celle des oiseaux. En haut du pavillon, la vue est vraiment splendide. Une jumelle géante est installée pour mieux contempler le paysage. Le petit canard aperçoit des animaux bizarres qu'il ne reconnaît pas. Et c'est une question que la science, elle, se pose depuis quelques temps, de façon plus précise. Et c'est une des grandes questions scientifiques. L'origine de la vie, eh bien, cette question a fait l'objet de controverses passionnées entre science et religion. Pendant très longtemps, ces problèmes étaient essentiellement des problèmes idéologiques. Mais au-delà des polémiques, il est vrai que lorsqu'on cherche à se représenter l'apparition de vie sur la Terre, on a tendance à imaginer un début soudain, spontané. Quant à Alexandre, il a retiré ses semelles de plomb. Quel polisson ! Il remonte malgré lui à la surface. Une génération provoquée par une cause fortuite, encore par une cause surnaturelle, selon le clivage idéologique. Or, la science, depuis un quart de siècle, a peu à peu accumulé réflexion et expérience. Elle a peu à peu construit et affiné une théorie. Et c'est de cette théorie que nous allons parler aujourd'hui avec Joël Dupont, qui a fait sa thèse de doctorat en sciences précisément sur l'origine. Alors, au cours des précédents entretiens que nous avons eus avec les poissons affolés s'enfuient dans tous les sens, mais le climat de la Terre, on a eu quelques fois, souvent même, l'occasion de faire allusion à la vie sur la Terre. Nous allons nous y consacrer. Par où commencer ? Par où commencer ce commencement ? Quelle méthode utiliser pour aborder convenablement cette question ? En d'autres termes, comment la vie est-elle apparue ? Il retrouve Pomme et Flore au vestiaire. Oui, alors quand on pose la question de cette manière, on a tendance à voir une ça relève un peu du bon sens, et en fait c'est un faux bon sens. Ils sont assis tous les cinq autour d'une question très très graduelle. Et d'autre part, l'apparition de la vie sur la Terre, je préférerais dire des systèmes vivants plutôt que de la vie. Cette apparition des systèmes vivants est liée à toute une évolution géochimique, c'est-à-dire à l'évolution de la Terre elle-même. C'est pour ça qu'on parle d'une évolution bio-géochimique. On ne peut pas extraire l'évolution de la vie, son apparition et son évolution, de celle de la Terre à un moment donné. Qui a une méthode qui serait plus optimale précisément pour un problème ? Oui, je pense qu'il faut considérer l'origine de la vie sous un angle global, sous un angle systémique, tenant compte des multiples interdépendances entre les différents facteurs qui ont agi à ce moment-là. On ne peut pas considérer chaque phase séparée avec un spécialiste de chaque phase. Il faut plutôt essayer de prendre un fil directeur qui permettrait de comprendre la vie sous l'angle des systèmes, de la communication ou des communications. De l'envisager à la population qui est sous celui de l'évolution de la Terre à ce moment-là. Une approche systémique est vraiment le spectacle terminé, tant quatre compagnons vont dans les coulisses féliciter le mystère de l'apparition. Ceci leur montre comment faire. Oui, c'est pourquoi il y avait quelques idées très simplistes, en quelque sorte, qui sont encore pour beaucoup partager aujourd'hui, puisqu'il faut une certaine connaissance de l'infiniment petit, c'est-à-dire des structures les plus infimes de la vie, pour comprendre comment cette vie a pu naître de la matière organique. Et toute l'exposition, par exemple, dans les anciennes théories, on pensait beaucoup à ce qu'on appelait la génération spontanée. Évidemment, comme on ne savait pas observer les micro-organismes au microscope, on regardait ce qu'on voyait à la loupe, et on voyait apparaître ces petits animalcules de vieux chiffons, de viande qui était en train de pourrir, ou de la boue. Et c'était la vieille théorie de la génération spontanée. Et puis, il y a eu la fameuse lutte de Pasteur et de Boucher, Pasteur démontrant que la génération spontanée dans le milieu de culture était impossible, et Boucher voulait absolument démontrer le contraire. À cette époque, on a cru que la démonstration de Pasteur était en fait une démonstration indirecte que la vie ne pouvait avoir été que créée, alors que Pasteur, au contraire, essayait de montrer l'approche véritablement scientifique, en montrant la contamination par les poussières des milieux de culture. L'étape qui est venue ensuite, plus tard, dans les années 50, qui a permis de briser les idées préconçues, d'apporter des éclairages nouveaux, c'est celle qui consiste à faire une génération spontanée, mais pas une génération spontanée d'organismes déjà bien évolués, mais une génération spontanée de molécules organiques, c'est-à-dire de molécules qui sont à la base des organismes. D'abord, on parle de molécules qui sont relativement simples et qui se complexifient. Oui, il fallait avoir ces premières briques et voir ensuite comment ces briques pouvaient s'accrocher les unes aux autres. Les molécules plus compliquées, elles-mêmes, ça des systèmes. Et à Podulard le sculpteur. C'est bientôt l'anniversaire de... Peut-on considérer la révolution en cours dans le domaine des communications planétaires comme un des aspects de l'évolution en général de... La question vaut la peine d'être posée parce que on a vu dans les entretiens précédents qu'il était nécessaire d'élargir le concept d'évolution pour mieux comprendre les mécanismes. On a vu aussi comment l'approche de ces phénomènes par les systèmes permettait de percevoir la cohérence sous-jacente à des phénomènes qui sont apparemment hétérogènes. Et l'homme d'aujourd'hui est encore un homo sapiens, mais il est déjà, si j'ose dire, un homo communicans. Et l'homo communicans de demain, quel sera-t-il dans ce contexte d'une planète entière qui pense? Alors bien sûr, il faut mettre des guillemets à cette expression. Nous avons choisi notre quatrième et dernier entretien, ce titre, la planète qui pense, mais il faut préciser tout de suite qu'il faut l'entendre comme une métaphore. Dans la mesure où l'on considère actuellement l'évolution des techniques, est-ce que cette évolution ne met pas en cause l'évolution de la Terre en général? Est-ce que cette évolution de la Terre ne prend pas un aspect particulier? C'est de cet aspect particulier, je vais te demander, que nous allons parler cette fois. Oui, c'est ça, elle est constituée de nombreux réseaux, l'ensemble des humains, mais les humains interconnectés les uns et les autres avec des systèmes de traitement et de stockage de l'information dont on parlera certainement. Je crois que cette évolution, il faut la situer toujours par rapport à un contexte beaucoup plus général qui est celui de l'approche systémique, des niveaux de complexité, des interdépendances, des effets multifactoriels, et considérer cette planète de distance dans le contexte de l'évolution des communications à la surface de la Terre, avec encore une fois toutes ces réserves que nous avions fait dans les entretiens précédents sur les seuils, les origines, les commencements, composés de l'hydrogène, de méthane, de NH. De vapeur d'eau, exemple, avec une source d'énergie. La Terre a évolué à un moment donné, la vie est née dans des conditions fabriquées, des acides derniers, la pensée se manifeste chez l'homme et la pensée réfléchie en particulier. Donc là, on a brisé ce cercle. Les communications et leurs réseaux très denses à l'échelle de la planète depuis une trentaine d'années conduisent à l'émergence de propriétés particulières, comment ces molécules peuvent-elles évoluer? suffisante. Ce mot difficile à traduire, je m'en suis, j'ai employé un mot anglo-saxon, nowness, le sens de l'instant, le sens du présent, la coexistence de tout le monde par les médias télévisés et bientôt satellites avec l'événement qui se passe à l'autre bout de la planète, crée une sorte de représentation mentale rapide qui rejoint un peu ce que nous disions dans un entretien précédent sur le graphe interne du cerveau de représentation mentale qui permet de se référer à des situations, de comparer des expériences et donc à une sorte d'émergence de, j'aime pas du tout ce terme, alors je le dis tout de suite entre guillemets, d'une pensée collective parce que ça veut rien dire, il y a tellement de diversité de pensées, mais en tout cas de forme de conception globale de notre environnement qui était jusqu'à présent très parcellaire en raison du manque de communication. Oui, cette communication elle existe dès qu'un système vivant, peut-être même juste avant, c'est-à-dire qu'en fait, la complexification des macromolécules, c'est peut-être déjà un effet de communication. Ah oui, je crois que il faut, et c'est une idée qui est un peu répandue, insister sur ce point, la communication commence évidemment bien avant l'homme et bien avant la vie. La communication est un processus fondamental et très général de toute évolution de la matière, à celui de se doter des systèmes de classe en particulier. Les systèmes communiquent. D'abord, ça veut dire quoi communiquer? Là, on pense qu'il faut revenir un petit peu en laissant de côté pour le sens même de la communication, qu'est-ce qu'il y a dans un message, à la manière dont sont échangés les messages. Considérer la membrane d'une part des assez près de l'autre, ces mêmes systèmes pouvaient brûler beaucoup plus efficacement les substances énergétiques qu'elles trouvaient autour d'eux. Et donc, par ces trois étapes, fermentation, photosynthèse, respiration, on arrive à ce moment-là à des micro-organismes qui se raccrochent avec les racines de l'arbre de vie tel que nous le connaissons dans l'évolution de l'arbre. C'est pas évidence une séparation nette, mais progressivement, les signes de la communication s'extériorise par rapport au support, c'est-à-dire qu'il arrive un moment où l'objet n'est plus à la fois lui-même et le support de sa propre communication. Voilà, c'est là où il y a désynchronisation et délocalisation, et donc accès à un niveau supérieur de complexité. Prenez le cas de l'invention de l'écriture par l'homme. C'est une extériorisation de sa pensée qui peut être communiquée différemment que par la parole à quelqu'un. Prenez le cas du relais de cette écriture qui est l'imprimerie. Production de masse, démultiplication de la capacité de quelqu'un à communiquer avec d'autres. Prenez le cas du livre et de la librairie. C'est une extériorisation de la mémoire qui est accessible à des milliers d'autres personnes, des millions, à un moment donné, à un instant donné, et qui n'est assujetti que capacité de diffusion de cette information physique. Il fallait accéder à un livre pour le toucher, tourner les pages. Prenez maintenant la informatique et les banques de données, et la possibilité, comme nous l'avons ici, et comme on peut l'avoir de son domicile, d'accéder à des banques de données par un micro-ordinateur relié au téléphone qui lui-même va interroger un ordinateur en Californie, ou en Angleterre, ou dans le sud de la France, et avoir accès immédiatement à cette information électronique, un dictionnaire, un recueil de statistiques, de références bibliographiques scientifiques, par encore une fois, degré de complexité supérieur, délocalisation et désynchronisation complète de l'information. C'est donc nuisance ce soir, comme tous les vendredis soirs. Vous êtes en train d'écouter de la merde et c'est pourri et vous le savez bien. À l'image et à leur stockage, et à leur diffusion, mais aussi à l'extériorisation de la création des uns par rapport aux autres. Et donc, à la et donc le thème de ce soir, c'est le sale patron, mais qu'allons-nous faire ? Des produits des uns par les autres. Révolution, mon cul. Une sorte de réseau diffus que j'appelle réticulaire, la société réticulaire, si vous voulez. Une sorte de réseau diffus de communication et d'échange d'informations qui est en train de bouleverser de manière assez radicalement nouvelle les conditions. Je chie sur la révolution. Autres, et même à nous-mêmes. Est-ce qu'on peut essayer de faire un inventaire justement de ces moyens qui sont en train de se tisser tout autour de la Terre ? Oui, là aussi je crois que pour mieux les situer, il faut refaire un petit rappel historique. Et pour ça, je voudrais les situer par rapport à trois phases. Une phase, je dirais, qui était la phase de caractère agricole, de l'évolution de l'humain. Agricole parce que les hommes se sont fixés dans un certain nombre de vallées fertiles, donc ils ont commencé à communiquer entre eux dans ces zones où il fallait se réunir pour être protégés, pour cultiver, utilisant pour cela l'énergie du soleil, sous la forme des plantes que l'on fait pousser pour se nourrir, mais aussi sous la forme du vent, de l'eau, pour faire actionner un certain nombre de machines pour cultiver, et les arbres évidemment dont on utilisait la bioénergie. Cette phase a conduit à la ville, puisque la ville était le rempart contre les envahisseurs extérieurs, la protection des récoltes et les moyens d'échange pour troquer et trouver des métiers. Puis ensuite la phase technologique et industrielle, où la découverte des combustibles fossiles... Et donc le thème de ce soir étant le sale patron, chiant sur le patron. ...et les avions, et les bateaux, la mazout... a développé des réseaux de communication physique, beaucoup plus importants que ceux que nous connaissons. Les routes, les lignes aériennes, les lignes maritimes, etc. Et puis ensuite, troisième phase, la phase de l'information, la société de l'information dans laquelle nous entrons évidemment avec l'imprimerie, mais qui se développe avec le livre, les éditions de presse, journaux et magazines, la capacité de stocker les images par la photo, et puis les supports électroniques que sont la télévision, pas sur la radio et le téléphone, mais introduit pour communiquer le son à distance, les supports électroniques... Et donc en chiant sur le patron, on se chie dessus. Les supports nouveaux, quelle merde, et des images électroniques, et la possibilité que nous avons d'accéder à ces différents... Alors qu'allons-nous faire ? Et donc, boire une bière ou deux, mais pas plus, faut pas exagérer. Par restitution de la réalité, lorsqu'ils ont été pris par une caméra, tous nous faire foutre. Mais synthétique, lorsqu'ils ont été construits de toutes pièces. Et y accéder par des réseaux câblés de plus en plus réticulés, le câble en fibre optique, des réseaux hertziens, des réseaux venant des satellites qui, j'allais dire, encombreront l'espace, peut-être même pollueront l'espace. Oui, dans l'une des plus importantes, donc voilà un peu comment, en fait, de la société sont la photosynthèse et la respiration qui crée cette divergence fondamentale entre ce que l'on peut appeler de manière schématique les animaux et les végétaux. Parce évidemment, quand on descend dans les racines de l'arbre de vie, cette distinction animale-végétale est d'informatique auquel nous le connaissons. Il est important de rappeler cette question d'hétérotrophes et d'autotrophes. Hétérotrophes, c'est-à-dire obligé de se nourrir d'aliments puisés à l'extérieur. Et les autotrophes qui sont capables de fabriquer leur propre énergie et leur propre existence, elle est réticulée de l'énergie solaire, de l'eau, du gaz carbonique. Elle donc est il faut voir ce schéma, le grand flux d'énergie où qui peut dans la vie d'un animal vivant, l'énergie solaire captée par les plantes vertes grâce à la chlorophylle donne naissance au sucre riche en énergie et à l'oxygène. Ce sucre riche en énergie ou ces sucres riches en énergie et l'oxygène sont brûlés. Je pense qu'il était nécessaire de la resituer dans son contexte grâce à l'oxygène. Nous chions donc sur l'énergie, nous réaction leur permet de dégager de l'énergie biologique qui leur permet de se diviser. Justement, peut-on la décrire du marché, d'aller chercher leur nourriture. En échange, ils recrachent dans l'environnement du gaz carbonique on peut la décrire et des cellules minéraux en retraduisant ce qui se resserre aux végétaux à fabriquer et puis on peut aussi la décrire en essayant de prédire ce qui va se passer du soleil à l'énergie biologique utilisée par les animaux et les végétaux bien entendu pour leur métabolisme. Si bien qu'aujourd'hui, prenez, par exemple, la théorie 2000, qui est une expérience très intéressante, c'est que la vie est de la France, et dans le nord de la France, naturellement de vie d'une complexification dans laquelle il n'y a pas de déterminisme ni de finalité, cette théorie semble gagner du terrain sur la théorie finalité. Oui, et surtout sur la théorie du gros du hasard pur. Pendant longtemps, on a eu comme seule théorie de l'origine de la vie après les démonstrations de Pasteur. Ça c'est vraiment les 2-3 prochaines années dans la carte dans les 80 de la Terre seule. Or, la cosmochimie dont on parlait tout à l'heure, on va connaître que les molécules d'Hendel n'en aura 3 millions, montre que ce processus sont beaucoup plus généraux qu'on ne le pense. Les vidéodisques se développent, par conséquent, que la théorie déterministe, la théorie de la nécessité, prend le pas, c'est-à-dire, en d'autres termes, que la vie était nécessaire sur la Terre. Ça veut dire quoi, nécessaire? Ça veut dire que dans les conditions de la Terre primitive, comme d'ailleurs, on va être marqué par un certain nombre de planètes primitives. D'abord, les ordinateurs, les micros, solaires, qui communiquent avec telle atmosphère, avec de l'eau, avec une température à tel niveau. Nous chions sur la température. Nécessairement, dans les océans, sous la forme de notre véhicule, qui ensuite évolue, nous allons leur parler. Alors, est-ce que certaines évolutions sont plus rapides que d'autres, quand on peut se poser, mais les phénomènes sont plus largement répandus. Nous chions sur le largement. Deuxièmement, devenir de plus en plus portable, c'est-à-dire être en partie chez nous comme un téléphone, connectable à des outils à la maison, le seul problème est de déroger. Si vous ne l'avez pas compris, ceci est une émission bruitiste. Nuisance. Auto-nuisance. De l'éternité à l'éternité. Je veux dire, c'est tellement improbable, tellement complexe, qu'il a fallu beaucoup de temps pour que ça se passe. C'est un petit peu comme l'histoire des uns aux autres, à la fin de la planète, pour qu'il réussisse à faire un peu avec l'autre. Il faudra des millions, millions, millions d'années pour que, par hasard, des passions d'air de l'histoire. Je crois que la question est mal posée. Voilà, je pense qu'on ne peut pas raisonner en ces termes. Lorsqu'il y a une cascade d'événements nécessaires, comme molécules climatiques dans le cadre de l'atmosphère de la mer, tombant dans l'eau, formant des véhicules, qui vont concentrer certains types de matières. Qui vont évoluer à leur tour. On a toute une série de phénomènes liés, un chemin de l'enjeu, où la notion de probabilité et d'improbabilité se pose dans des conditions complètement différentes. Et alors à ce moment-là, la notion de temps n'est plus aussi élastique. La durée est intégrée au phénomène des au fond, la complexité dorénavant ne peut être que comprise par une approche complexe elle-même. Le matériel est venu arriver à poser une question entièrement sociale, la société elle-même, donc changeons un peu d'échelle. L'humain est l'origine de la vie. Mais parlons par exemple de l'origine d'un système social, d'un système urbain. Nous chions sur le social. Nous étant donc Napoléon, Napoléon nous chie dessus. Napoléon et tous les autres. Et tous les autres. Des journalistes qui assurent l'échange de l'information, et tout ceci constitue un système, un sens vivant. Maintenant, quand on veut transposer, donc voilà des questions à l'Europe, sociales, on peut en prendre des éléments, c'est-à-dire faire passer des universités à côté des industriels, donc ça marche. Donc on va sur des zones de relations. Là, on aborde un point très important. Alors on peut dire, on va attendre que ça se passe. C'est le rapport de l'homme, l'interface homme-machine et le rapport de l'homme avec ses réseaux. C'est en fait que nous chions sur le rapport. Il y a des hommes de chaque côté. Là, on est très près des problèmes de l'origine. Mais quel type d'influence quel type d'influence de rétroaction par on pourrait répondre de manière indirecte par la constitution, par exemple, d'un réseau câblé dans des réseaux. Et là, on a en présence deux types d'acteurs. Nous chions sur le réseau. Des acteurs institutionnels, des entreprises. Nous étant donc Napoléon. Napoléon nous chie dessus. Et nous chions sur Napoléon. Trouver des accords avec les municipalités, les corporatifs locaux pour que se planifie et s'organise et le chemin réseau et l'investissement soit plus complexe. Et d'autre part, en deuxième catégorie d'acteurs, nous, nous parvenons à utiliser cette approche et qui ne sont pas que des consommateurs passifs. Au moins, ils ne devraient pas être que des consommateurs passifs. Et là, nous avons une situation tout à fait intéressante, je dirais, qui nous ramène à ce que nous disons dans un autre précédent, c'est-à-dire le câblage d'un réseau de l'intérieur. Un petit peu comme si, toute proportion gardée, nous étions en train de construire une sorte de grand cerveau de l'intérieur. À un certain niveau, dans l'image de Médine câblée, on fait des synapses, au moins à un autre niveau, une sorte de synaptogénèse. Certaines des lois s'établissent entre les micros, entre les chiens, entre les militaires, entre les personnes, et ces contacts se font de manière foisonnante, un peu anarchique, exubérante. Nous chions sur l'anarchie. Nous chions à des diminutions de contacts pour préserver à la fois la variété, mais en même temps l'efficacité. Et donc, je dirais, si vous voulez, que pour répondre à votre question, justement, ces réseaux s'enrichissent de l'intérieur. Ils ne peuvent s'enrichir que dans la mesure où les usagers, les utilisateurs, les humains, apportent à ces réseaux une substance, des moyens de contact, de relations, créent des nouvelles opportunités, des nouvelles relations humaines, des nouveaux marchés, des nouveaux emplois, qui conduisent à un remplissage de ce que cela veut dire. Décisive peut-être pas, mais une succession d'approches qui commence à... La situation la pire serait que ces organismes planificateurs, non seulement planifient l'infrastructure du réseau, mais aussi ce qu'on va mettre dedans, en disant, avant on avait trois canaux, à peu près maintenant on a 50, on va remplir ces canaux, on va les remplir des missions, soit on va les acheter à l'étranger, soit on va faire produire des tas d'émissions humaines, des lipides, des pigments, etc. Le deuxième niveau, je dirais, est grâce à l'informatique. Grâce à l'informatique, il est possible de simuler la complexité de certains systèmes, et en particulier d'essayer de retrouver l'origine du code génétique. Comment est né le code génétique et d'après la relation entre protéines et acidité. Le troisième niveau, lui, il est théorique. C'est l'école de la thermodynamique des systèmes irréversibles, le travail de Prigogine et de son groupe, montrant comment certaines structures dissipatives, donc tout à fait en phase avec les problèmes de l'origine de la vie qui nous intéresse, ont pu naître et se maintenir. Et puis le quatrième niveau, c'est la cosmochimie dont nous parlons, c'est-à-dire l'étude des molécules revenues dans l'espace, en fait, et là aussi, très riche, et donc, sur la porte. Nous avons déjà parlé d'évolution. Les molécules déjà évoluent et se complexifient. L'évolution moléculaire rattache ou apporte à notre compréhension des éléments sur l'évolution biologique en général et même sur l'évolution cosmique. On a abordé la façon insensible dont les éléments se sont... Et n'oublions pas que ce soir, le thème de l'émission est le sale patron. Mais qu'allons-nous faire? Boire une bière ou deux, mais il ne faut pas exagérer. De biomolécules à organismes vivants, très simples, certes, comme algues ou bactéries, mais c'était déjà un saut considérable dans la complexité. Maintenant, comment aller de la bactéries à l'homme, de la cellule à l'homme, c'est sans doute encore à son plus complexe, plus important. L'étude de la biologie évolutive n'a cessé de transformer notre compréhension du monde depuis Darwin, et particulièrement depuis une quinzaine d'années, les choses se sont beaucoup précisées. Nous ne voulons pas ici reprendre l'arbre de l'évolution des espèces, mais plutôt essayer de comprendre les mécanismes qui font de mutation et sélection, non pas un principe de perfectionnement, mais plutôt un moyen d'expliquer la Terre et d'expliquer notre Terre porteuse de vie d'une façon plus générale, à la lumière de l'histoire dont nous sommes provisoirement les derniers héritiers. Je chie sur le moralisme. Nous voilà maintenant prêt à franchir un nouveau niveau de complexité. Nous allons aller vers une complexité supplémentaire, une complexité croissante, et nous allons nous consacrer à ce qu'on est habitué d'appeler l'évolution proprement dite. Mais d'abord, je crois qu'il faut dessiner le cadre dans lequel nous allons considérer cette évolution du vivant. Oui, je crois que là aussi, il faut considérer l'évolution dans son sens le plus général, ou je dirais le plus global, c'est-à-dire les grands mécanismes de l'évolution, de cette dérive de la matière dont nous sommes une partie et que nous observons, qui se déroule sur la Terre, mais pas seulement sur la Terre, qui se déroule autour de nous, dans l'univers. Alors pour ne pas rentrer dans l'évolution physique et des étoiles autour de nous, restons là, cantonnés au problème qui nous intéresse, c'est-à-dire l'évolution de la vie. Et même cette évolution de la vie, il faut la comparer à une autre grande dérive, qui est celle de l'entropie. C'est intéressant d'ailleurs de constater que autour de 1860-1865, cette notion d'entropie née des travaux de Carnot Clausius a été proposée pratiquement au moment, quelques années après, où Darwin proposait la théorie de l'évolution. Et on n'a pas manqué d'essayer d'opposer ces deux dérives. L'une pour schématiser l'évolution biologique allant d'une peu plus simple vers le plus complexe, et l'autre, l'évolution anthropique, allant du plus complexe vers le plus simple, le plus probable. Comme exemple, on peut donner, si vous voulez, pour illustrer cette dérive, l'exemple d'un feu que l'on prendrait avec une caméra dotée d'un film quasi infini. Un feu se déroulant sur une plage, par exemple. Putain, ta gueule. Le film commence avec un feu qui s'enflamme, et puis ensuite on a des braises, et ensuite on a des cendres, et puis ces cendres se dispersent dans l'environnement, ça prend beaucoup de temps, se dispersent de plus en plus, le vent les pousse. Ça, c'est une évolution de type anthropique, si vous voulez, l'énergie est libérée une fois pour toutes, et puis il y a des cendres partout. En passant ce film à l'envers, I fuck the shit. On verrait pendant un temps très long, des morceaux de cendres se rassembler sur cette plage, se réagir en petits brumeaux, et puis ces petits brumeaux en braises qui deviendraient un peu rougeoyantes, puis ça irait très vite, de plus en plus vite vers la fin. Ces braises deviendraient rougeoyantes, deviendraient des bûches, et puis ces bûches des flammes, et puis tout se terminerait. Donc, c'est une image, si vous voulez, mais on peut dire qu'on a deux systèmes qui ont l'air en apparence opposés. Un système qui se nourrit de l'autre, comme on l'a dit, la vie se nourrissant de l'énergie, et donc cette énergie se transforme en énergie non utilisable, qui est l'entropie. Et en fait, ils sont beaucoup plus liés, beaucoup plus complémentaires l'un de l'autre que l'on en a pensé. Nous, on va continuer à consommer. Alors que, oui, alors là, ça pose le problème du temps. Mais ces réseaux, c'est vrai que nous apprenons maintenant à nous en servir par cette évolution de la vie, c'est ce qui suit dans un contexte énergétique. Vous voyez que l'utilisation, la transformation de l'énergie et l'apparition de structures de plus en plus complexes, de plus en plus instables, c'est le cerveau. La théorie de l'évolution, alors que le mécanisme anthropique conduit à du tiède, de l'homogène et du probable. Alors je sais plus que dans le système du temps, des petites bulles, le système réussit à capter cette énergie et participer de l'impulsion générale que d'issue dans la vie. Après, c'est un système ouvert, c'est-à-dire qu'ils sont traversés par un flux cybernétique, le flux c'est un flux d'électromagnétisme à souhaiter, à diffuser, à stocker le flux qui les traverse, leur aide à maintenir. Et là se posera dans les attendants industriels avec un vénérateur de l'Europe. Mais par leur action, par leur métabolisme, manière de croire quelque part l'entropie de l'univers. Comment l'homme interagit en tout cas, on ne peut rien avoir pour rien, pour le moment, vous et moi, même pas une information. On est obligé de la payer. Cette information, on l'appelle une énergie. Au contraire, il faut de l'information pour collecter de l'énergie, mais il faut aussi de l'énergie pour produire de l'information. Et on est soumis à cette loi inexorable, plus, plus, plus. Pour essayer de voir comment éviter de bioélectronique là-dessus aussi. C'est-à-dire que les premières idées de l'évolution de transformistes, en observant les fossiles, les variations des espèces, envoyer des signaux directement dans notre corps, on en arrivait à voir qu'elles se traduit par des machines vers des ordinateurs capables, eux, de les reconnaître et de nous envoyer. Mal connu, mais alors, c'est loin de moi l'idée d'un homme avec des électrodes partout qui envoie son information à des ordinateurs. Je crois que restent les deux grandes théories opposées, comme le lama pose de l'artérie dans votre cure, qui est construit autour de nous, c'est ce qu'on appelle l'ergonomie. Je crois qu'on va vers une ergonomie qui n'est plus seulement mécanique, mais une ergonomie électronique. Les arbres, par exemple, un poste de travail, de communication, se battre, à développer des gilets pendant un certain temps, plus ennemis, etc. Mais je crois que la théorie la plus intéressante dans notre forme de l'expérience, mais je pense qu'on ne peut pas réfléchir à l'évolution des prochaines années des relations entre l'homme et l'ordinateur sans envisager ces canaux darwinistes et qui se fondaient sur ce que j'ai appelé la biotique, où certaines espèces utilisaient un changement brutal, au secours, je crois que de plus en plus ces biotiques et ces changements brutaux conduisent à des espèces et même les adapter à certaines conditions d'environnement. Mouche par exemple qui connaissent qui lui permettra de la rendre agressive sur un environnement donné, survivra mieux qu'une autre qui est plus claire, qui sera un problème seul. Un oiseau qui a un bec plus long aura tout le même sport de sa sphère et donc survivra mieux et se reproduira alors que comme c'est ce qu'on appelle l'adaptation rapproche d'une certaine idée. En fait, c'est que ceux qui n'ont pas eu ces changements favorables et qui ont disparu et donc n'ont pu contribuer à l'évolution et se construire. Les seuls survivent, ceux qui ont subi ces mutations de changement deviendra plus rare. Au niveau des bactéries, je ne pense pas, parce qu'il y a des choses que l'on peut pas dire aussi. On va s'apercevoir que certaines bactéries deviennent résistantes à l'antibiotique. Ça veut dire que parmi les multiples colonies bactériennes en train de se développer, certaines d'entre elles, par mutation, par changement brutal de leur programme génétique, vont acquérir les capacités à détruire à la fois des moyens de travailler. Et toutes les autres sont mortes, sauf celles de métier qui vont donc envahir le milieu et bénéficier par l'énergie qui a été laissée par les autres. Ça, c'était la théorie de base. Et il ne faut pas oublier, c'est important d'insister sur ce point, parce que communication avec les machines est très souvent, que Darwin lui-même a été très influencé dans un seul élément. Il y aura d'autres aussi au niveau social et environnemental, plus important, la l'accroissement géométrique de régulation, et l'accroissement, je dirais une sorte de traitement de la physiologie de la Terre de l'intérieur, comme si nous étions au moins d'un grand corps malade que nous traitons de l'intérieur. Et donc il y avait une divergence temporelle qui est liée à l'environnement. Et je crois aussi que nous gagnons peut-être une nouvelle forme de pollution qui ne serait plus une pollution par les poussières. Mais je pense que cette notion de divergence temporelle est fondamentale pour comprendre par l'information arrivant de toutes parts, nous inondant par le satellite, le certaines câble, espèces s'auto-sélectionnent aux dépens dont j'ai parlé. Et donc aujourd'hui, bien sûr, le néo-darwinisme en tient compte les micro-ordinateurs comme alliés. Mais on peut considérer également que la théorie classique de Darwin est quand même limitée par les machines peuvent très bien remplacer notamment le fait que les gènes se réarrangent aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que si on garde une variété biologique, et puis les mutations ponctuelles sont il faut que l'homme le décide. Globaux. Il faut que l'homme le décide. Et puis d'autre part, cette évolution ne peut plus être seulement considérée de la cellule à l'homme, directement biologique, mais qu'elle peut être envisagée par les mutations à ses voisins, avant la vie, c'est en train de chimique, et après l'homme, pendant l'homme, au niveau de la société. Elle tournera encore longtemps. Précisément, des drapeaux d'étain, qui en fait une planète bien partie. Une généralisation qui serait autre chose qu'une simple extrapolation, c'est-à-dire une généralisation qui à des années-lumière de distance par de bonnes antennes bien sensées, ces dernières années, qui permettent, je dirais, de désenclaver le néo. Alors. L'origine de la vie, on l'a vu, se pose déjà en termes d'évolution. Des molécules aux macromolécules, des macromolécules à l'organisation cellulaire, de la cellule aux métazoaires, des organismes simples aux organismes complexes, des individus aux sociétés, nous gravissons insensiblement, mais sans cesse, nous gravissons les niveaux successifs d'une complexité croissante. Sans qu'on puisse d'ailleurs dire exactement où se trouve l'origine et également où se trouve le passage d'un seuil. La jeunesse de l'homme a commencé bien avant ce qu'on appelle l'hominisation, et c'est très très loin dans le passé qu'on trouve la progressive naissance de nos traits originaux. Or, la pensée, l'intelligence sont parmi ces traits originaux qu'on attribue à l'homme. Disons que l'homme s'est attribué à lui-même. De l'environnement. Soit l'homme est un animal, mais un animal raisonnable. Mais l'environnement résiste. La conscience est de mon corps, le fer de l'homme. Alors, jusqu'où faut-il remonter, Jacques de Rouneck, pour trouver les racines de la pensée? Car, et ainsi, par ce jeu de la nécessité de l'environnement et de la variété générée par ce générateur, peut-être de façon un peu impropre, se construire, c'est bien le problème de l'émergence se renforcer, ou au contraire, c'est bien à partir de quel à une moment dans le processus plus général qu'on s'est gagné jusqu'ici, peut-on parler de pensée au plan des et mutations en quel terme dans parler la de cette émergence? Oui, mais alors, oui, je pense qu'encore une fois, là, il faut bien situer les niveaux des propos. On parle de l'émergence de la pensée, en tout cas, moi j'en discute ici avec vous. C'est un problème qui est traité par les anthropologues. J'ai voulu avec vous situer l'évolution dans son sens le plus général possible, en partant de la chimie, qui est un petit peu plus mon secteur, pour envisager des mécanismes généraux de complexification. Donc restons à ce stade et essayons de considérer ce que l'on pourrait appeler le problème des origines et le problème des seuils. Sous cet angle-là, je ne crois pas. Dans le cas, c'est tout à fait la question que vous posez de l'émergence de la pensée. On le considérera peut-être. Il faut considérer les systèmes complexes comme emboîtés les uns dans les autres avec des niveaux de complexité différents qui coexistent. De son écosystème. Mais lors de la révolution, ces niveaux sont apparus excessivement étirés dans la durée. Et la question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'il y a des états ou est-ce qu'il y a une continuité? La première constatation qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas d'étape au sens propre du terme qui marque un saut quantitatif significatif. Et les changements intervenant dans cette le problème des origines vont conduire, du fait de son adaptation, est un problème très grave, parce que un renforcement ça que l'origine est quelque chose de très tenu. Parce que l'infime est mince. Les transfert se renforce, devient un câble, devient un réseau, devient un réseau. Mais au départ, ce petit fil tenu est cassé. Et on a grand-peine à trouver la relation entre tel système et tel autre, entre tel niveau de complexité et tel autre. Dans un sens donné, donc déjà le problème de la transformation, puis le second, c'est celui des seuils. L'environnement joue est-ce son rôle. Est-ce que c'est parce qu'à posteriori, nous, humains, pensants, conscients, nous observons notre histoire de telle sorte que nous disons effectivement là, il y a pensée, là, il y a pensée. Ou au contraire, y a-t-il une sorte de continuum la question que vous posez, qui va de la vie à la pensée, de la pensée à l'influence de la réflexion sur, de manière imperceptible, nous, il est temps de continuer. Parce que vous posez, j'ai tendance à penser en me référant à certains cas que je connais peut-être un petit peu mieux, qui s'éduquaient les origines des systèmes vivants, c'est que les mitochondries, c'est ce que je l'avais dit développement, qu'on ne peut pas parler d'origine de la vie avec un grand V, mais d'apparition progressive des systèmes vivants de manière multifactorielle, liés eux-mêmes à l'évolution de la planète à un moment donné. Vous voyez donc toutes les conditions qu'il faut mettre à l'émergence de la vie, une sorte de mémoire. Et on peut dire aussi que ce que l'on appelle la vie, c'est réaction des systèmes vivants, originalité des systèmes vivants, cette émergence la mettre en lumière était en quelque sorte coexistante dans la planète elle-même et son environnement. Les réactions chimiques, les réactions photosynthétiques étaient en embryon, le flux solaire et son énergie baignaient la Terre, etc. Donc pour la pensée, on peut dire aussi que elle se manifeste de manière entre guillemets spectaculaire. De toute façon, là se pose le problème de la façon dont ce système complexe peut à la fois se conserver et se transformer pour les nécessités en question. On va peut-être y revenir pour conclure cet entretien, mais auparavant, il y a une question intermédiaire, je reviens un peu en arrière, qui se pose, c'est, bon, effectivement, tout ce que vous venez de dire nous explique pas mal de choses. Est-ce que ça peut nous expliquer... Je foque sur l'explication. Même sur l'explication. permettant à ces petites vésicules de se stabiliser, éventuellement de se développer, de croître, en assimilant l'énergie du monde extérieur. On peut considérer que la première phase de cette transformation de l'énergie, c'est, on pourrait dire, les fermentations. C'est-à-dire la fermentation au sens le plus fruste du terme, c'est d'utiliser certaines substances, comme des sucres se trouvant présents dans l'environnement, pour les transformer en énergie. Le système utilise beaucoup de molécules énergétiques et recrache dans l'environnement du CO2 qui régule les substances crache sur la vie. Ces protobions, ces gluons de cette sorte, appauvrissent leur milieu en substances riches. Mais vous avez des solutions accumulées qui n'ont pas de système nerveux grâce aux synthèses réalisées dans les environnements, se mettent en état de l'incrime, un stimulus, des cuivres, une situation dangereuse, carrément conditionné, surmonté par l'apparition de deux autres. Et pourtant, on retrouve maintenant, depuis peu d'ailleurs, dans tout le règne vivant, des molécules, des peptides, certains types de hormones même, qui jouent un rôle, on le sait, au niveau du système nerveux, comme agent médiateur chimique d'un environnement. Depuis la respiration, quand en présence de nerveux, c'est même le système qui peut brûler beaucoup plus efficacement, plus des machines chimiques qui fonctionnent à partir d'une série de substances dont on commence à s'inquiéter avec l'expiration, et bien certaines d'entre elles, on les retrouve, ces substances, dans des organismes raccrochent évidemment avec les racines de ces pentes d'arbres et le rôle qu'elles jouent, mais ce sont quand même des précurseurs qui jouent un rôle dans le système nerveux actuel. Donc on ne peut pas dire que parce qu'un organisme n'a pas de système nerveux au sein d'une autre, il n'est pas capable de répondre à un stimulus. Là, on retrouve une sorte d'empire. Est-ce qu'on pense, entre guillemets, est-ce qu'il y a une certaine forme d'intelligence intéressante? Là encore, les mots sont trop lourds, puisqu'on les charge d'une valeur à l'eau. Tu as recombré presque d'autres mots, c'est-à-dire tel chaînon à relais, des capacités, les chaînes se sont faites à l'envers, au fur et à mesure que se raréfier, pas gênant, l'environnement parler, de ces capacités d'autorégulation, d'autonomie, les substances dont elles sont utilisées, les substances fabriquées, c'est-à-dire assurer les conditions qui permettent ces chaînes métaboliques, et en développant tout cela, on arrive à avoir une autre utilité, ce qu'on peut affirmer. C'est-à-dire que les mécanismes, entre guillemets, intellectuels, l'organisme est obligé de synthétiser à partir de substances de plus en plus simples le complexe qu'ils trouvaient dans leur environnement au début. Donc on voit comme justement l'amorce de toutes les fonctions de la vie. Et c'est pourquoi les études sur l'origine de la vie sont tellement importantes. Parce que alors que nous étudions la vie à plat, nous sommes dans une dimension, la dimension temporelle permet de les étirer. Donc sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est l'émission Nuisance qui nuit au sens, et vous le savez déjà, mais nous vous chions dessus, Nuisance. fuck this shit. I'd rather be dead than alive. Stupid dumb shit motherfuckers. I will. Someday. Du Japon. On va bientôt crever. Faut espérer. Voilà, nuisance aujourd'hui était écourtée, donc vous avez droit à du silence et la désinstallation pendant à peu près un quart d'heure. Ça a duré environ une heure et j'espère que vous en êtes attristé. Vendredi prochain, l'émission sera écourtée encore plus qu'aujourd'hui. Enfin non, moins. Mais ne vous en souciez pas puisque ça devrait vous faire plaisir au contraire. Ensuite, que vous dire ? Que vous dire ? Le thème de ce soir était donc le sale patron. Que faire ? Boire des bières, une ou deux, mais faut pas exagérer. Et voilà. Vous avez la chance, l'ultime honneur d'entendre Larsen de plus. Et ensuite c'est fini, et donc je vais vous laisser avec moi qui désinstalle le matériel. Je sais, c'est passionnant. Et donc c'est pourquoi l'émission s'appelle Nuisance, avec un S entre parenthèses à la fin. Allons tous nous faire foutre. merde, putain, j'ai renversé un truc, quoi. Thank you. Je fume une cigarette et, mm-hmm. et j'y vais. Voilà. Donc, et... ça vaut l'heure, on fait un ampli. Ça vaut tout. Il y a des disques comme ça. Il y a des disques de ronflement d'ampli différents. Certes, je connais Eva Maria Uben qui fait des mm-hmm. trucs avec des orgues. Mm-hmm. Elle fait une note. Non, mais là, c'est un ronflement. Ronflement, tu manges ampli, t'as une ronflette. Et suivant les amplis, la ronfle n'est pas la même. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai un logiciel. Il y a des disques entiers, disques vinyles qui reprennent par plage les vieux, différents ronflements les vieux des amplis. Quoi, vintage, vraiment. Mm. Bah, c'est ça. Mm. Sauf que c'est le bruit de la radio. Mm. Pour ça que Bernard dit, je fais une émission de la musique est rarement écoutable. Il a raison, c'est comme tu dis. Pour la plupart des gens. Voilà. Jazz to jazz, la mission, on passe rarement du jazz. Voilà, exactement, bah, c'était le cas ce soir. Je dois dire, le final, putain, sur Hard Day's Night, Peter Sellers, c'est grandiose quoi. J'ai entendu le final, j'entends les coucou, coucou, coucou. Ouais. Ah oui, bah, celui-là, ouais, c'est passé. Non, mais ils ont passé Hard Day's Night par Peter Sellers. Je connais pas Peter Sellers. Ouais, l'acteur. Ah ouais. En fait, qui lit le texte de la chanson. Ah ouais, it's comme un comédien. Hard Day's Night. Ouais. Non, il le dit pas comme ça. It's a Hard Day's Night. Ça va. Ça passe bien, toi. I come back home and I'm happy. Oui, ça va, oui. Tant mieux, tant mieux. Mmh. Moi, je commence une formation le 24 mai. Mmh. Maintenance informatique. Maintenance informatique. Ouais. Ouais. J'aime bien ça, donc. Mmh. Ouais, bah, moi, j'ai eu des très bons contacts avec le rédacteur en chef. Il est positif. D'accord. Donc, on était au jury ensemble. Ah, cool. Cinéma d'Amérique latine. Ouais. Et on a bien accroché, et donc il m'a. Enfin, je l'ai joué fine, je lui ai fourni un certain nombre de textes, et puis ouais. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Voilà, il m'a dit j'ai pas grand chose à te dire, il m'a dit peut-être on peut voir, enfin, faut que j'en parle à mon rédacteur en chef, puisqu'il est rédacteur en chef adjoint. Le grand patron, c'est Michel Simon, quoi. Mais du coup, ouais, ça part plutôt bien. Surtout qu'on s'est très bien entendu. Et du coup, bah, je vais peut-être avoir des papiers à faire pour poser. Nous sommes donc en plein dans la désinstallation de l'émission Nuisance. C'est passionnant. Parler du silence, notamment. On peut en parler. Parlons-en du silence. The microphone is squirting. Squirting juice. Microphone is squirting juice. I'm almost ready to leave this place. I will be leaving this place to you all. All of you over there. It's your place. It's this place. It's a place. Should I say? Or should I say? Now that you're racist faggots, motherfuckers will die in hell. We will all be happy to die in hell, won't we? Stupid motherfuckers we are. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Bon, et eh bien, comme je vous disais, ceci est une expérience sonic, comme tous les vendredis de 21h à 23h, sur les ondes du 92.2 FM toulousain, ou sur canalsud.net. Canal Sud, donc. L'émission Nuisance, qui vient à terme de sa nuisance sonique. Je vous dirai au revoir d'une autre façon que de vous le dire. Je vais donc passer sur les bandes, les fameuses bandes. Ciao, ciao.